falle. Pico pon sa oule, enchanté. Fais la tête tourner. En mélodie l'amour, car il n'a fini without you. En voix qu'a résonné, qu'a fait sensation levée. Chalou.